Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 12 janvier 1822. Oui, 12 janvier 1822, nous sommes en Grèce, à côté de la cité d'Épidaure, cité antique dans le Péloponnèse. Ce jour-là, des Grecs se regroupent en assemblée et proclament leur indépendance. La Grèce faisait partie de l'Empire ottoman, bien entendu, de l'Empire turc. Les Grecs vivent sous cette domination depuis le 15e siècle, depuis la chute de Constantinople. Mais il ne suffit pas, évidemment, de se proclamer indépendant pour l'être. Eh bien, c'est tout le problème. Évidemment, cette guerre d'indépendance sera le grand combat des romantiques. Vous savez, Victor Hugo, Lamartine en France, Lord Byron en Angleterre, qui s'enthousiasment pour le combat des Grecs. 8 années de combat très sanglant jusqu'en 1830. Finalement, c'est le ralliement des forces européennes à la cause grecque qui va faire la différence. Mais au départ, les Grecs chrétiens sont seuls face aux Turcs musulmans. Les alliances diplomatiques de l'époque interdisent aux nations européennes d'intervenir. Il y a un équilibre très fragile que personne n'ose venir ébranler. En 1827, le traité de Londres réunit la France, le Royaume-Uni, la Russie. Et là, les trois pays vont reconnaître le nouvel État grec. Les signataires tentent d'abord d'apaiser le conflit. Ils entament une médiation entre Grecs et Ottomans. Et puis finalement, l'Empire ottoman refusant toute concession, on va se battre. C'était inévitable, Raphaël. La flotte franco-russo-britannique est envoyée à l'ouest du Péloponnèse pour détruire une soixantaine de navires. Et c'est une victoire totale des Occidentaux. Et les Grecs sont libres ? Alors, il faut encore attendre un petit peu, mais enfin, on peut dire que oui. En 1830, la conférence de Londres entérine l'indépendance grecque. Même l'Autriche et la Prusse, qui jusque-là étaient neutres dans ce conflit, vont se rallier à la cause grecque. Il faut dire que des liens très particuliers unissent la Grèce à l'Europe, c'est le moins qu'on puisse dire. Et notre époque, hélas, est en train d'en écrire un nouveau chapitre pas très sympathique. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une émission sur Dunois, compagnon de Jeanne, le bâtard